Je me lève du canapé, j'ai plus de place dans le cendrier. 30 ans et je me demande encore comment me faire comprendre sans crier. À force de vivre dans ce monde sans pitié, les choses qui m'éloignent de toi, en réalité, c'est les mêmes qui m'ont attiré. Impossible à se détacher, c'est un peu comme une maladie. Dans ce monde où les plus gros chiffres d'affaires se font en pharmacie. Je faisais du foot gamin, je passais diplomatie. Tu fais la RH avec moi, mais quand tu m'aimais, y'avait pas de diplomatie. Tu jetais les assiettes au mur, regarde un peu comme t'agis. Tu mens autant que tu respires, tu mens autant que tu jures. La familia, avant le reste, c'était ce qu'on se disait. Ils le faisaient pour le geste, ils connaissaient pas ce qui me blesse. Je dirais à personne mes faiblesses, enfin je le dirai plus. J'arrive à dormir malgré 6 cafés, 10 Red Bull. J'ai des trous sur le pull, j'ai des petits trous comme Gainsbourg. Je me suis pas calmé, pourtant j'ai déjà fait 15 tours. Oh. De cœur, une peine de cœur. Dois-je vider tes veines pour que vienne mon heure? De cœur, une peine de cœur. Dois-je vider tes veines? Imbécile indécis, je crois que d'ici je vois les signes. Le dessin se dessine, contrat que je signe, 360 je spin. Je pleure des rivières comme Justin. La vie est un marathon, mais je sprint. Je ferai jamais jamais le miskin. Allez oust, je crois plus ta bouche. La vérité prend pas la douche. Je préfère son odeur que vous mentir à tous. Et je vais en venir à bout. Un jour on payera tous. Et toi tu payeras double. Toi tu payeras double. Je suis silencieux, j'ai les mots muets. J'ai même des verbes timides, garder tout ça finira par me tuer. J'ai un fardeau, un lourd fardeau sur le boulet que je traîne. C'est ça, tu voulais que je saigne. C'est ça, tu voulais que je t'aime. Yeah. De cœur une peine, de cœur dans la pénombre. On a besoin de lumière même pour distinguer les ombres. Encore une peine, encore une douleur. De cœur une peine, de cœur. De cœur une peine de cœur. Dois-je vider tes veines pour que vienne mon heure? De cœur une peine de cœur. Dois-je vider tes veines pour que vienne mon heure? De cœur une peine. Une peine de cœur. Thank you.